Chapitre 19e. Mary Peters quitta Agnès beaucoup plus tôt qu'elle ne l'avait projeté, afin de communiquer à sa mère un plan qui lui était venu en tête pendant le peu de temps qu'elle avait passé avec son amie. Ce plan, bien qu'il eût pris naissance pendant cette entrevue, était fondé sur une idée qui avait plus d'une fois déjà traversé l'esprit de Mary. L'idée lui en avait été suggérée par l'évidente admiration de M. Stephenson pour Agnès. Elle avait médité cette pensée tout en revenant à Rodney Place le soir du bal, tout en mettant en papillote ses boucles d'un beau châtain brun, et tout en faisant le trajet de sa demeure à celle d'Agnès le lendemain matin. Cette idée pouvait tout simplement s'exprimer ainsi. Frédéric Stephenson est amoureux fou d'Agnès Willoughby, il est complètement sous le charme. Quant au plan, il était d'une nature plus sérieuse. Elle croyait qu'un mariage entre ces deux jeunes gens pourrait heureusement s'arranger. Et de plus, elle se disait que si elle réussissait, ce serait certainement là une des meilleures actions de sa vie. Pour rendre justice à Mademoiselle Peters, on doit dire qu'elle n'était ni une mêle de tout, ni une faiseuse de mariage. Mais elle était profondément impressionnée par la tristesse d'Agnès, et aussi par tout ce qu'il y avait de sensé dans ce que lui avait dit la pauvre enfant, aussi bien sur sa position que sur l'impossibilité où elle était d'y rien changer. « Il n'y a qu'un mariage qui puisse l'attirer de là, » pensait Mary. « Et pourquoi ne pourrait-elle pas épouser ce jeune homme, qu'elle a si évidemment séduit ? Pauvre Agnès, quel changement délicieux, quel contraste ! Et si maman veut bien m'aider, je suis sûre d'en venir à bout. Il est parfaitement indépendant, déjà violemment épris. Quant à elle, elle est de ces créatures qui vous fascinent et vous semblent toujours plus belles chaque fois que vous les revoyez. » C'est lorsque ses méditations en furent arrivées à ce point qu'elle sentit la nécessité de rentrer immédiatement à la maison, et en effet, c'est chez elle qu'elle se rendit tout de suite. Heureusement, elle trouva sa mère toute seule dans son boudoir. « Je suis ravie de vous trouver seule, maman, » commença Mary. « J'ai énormément de choses à vous dire. » Et une rapide répétition de tout ce qu'Agnès venait de lui confier suivit aussitôt. « N'est-ce pas une situation terrible, maman ? » ajouta-t-elle. « Si terrible, Mary ? » reprit Mrs. Peters. Que si la plus jeune de vous trois n'avait pas 3 ans de plus que cette pauvre enfant, je lui reproposais d'entrer chez nous comme gouvernante. Pauvre fille, que faire pour elle? Eh bien, maman, écoutez-moi, reprit gravement Mary, en levant la main comme pour imposer à la fois silence et attention. Et veuillez ne pas tourner en plaisanterie ce que je vais vous dire. C'est très sérieux, mère. Monsieur Stephenson, le jeune homme que nous avons vu hier soir, est vivement séduit par la beauté d'Agnès. Ceci est positif. J'ai été assez près d'elle toute la soirée pour que rien ne m'ait échappé. Je crois donc qu'il y a chance pour qu'il arrive à lui faire une proposition de mariage, et je crois aussi qu'il est de mon devoir de faire tout mon possible pour faciliter la chose. Chère petite mère, voulez-vous m'y aider ? Mais quels moyens avez-vous, chère fille ? Répondit Mrs. Peters avec gravité. Verriez-vous le moindre inconvénient à inviter ce jeune homme si nous avons l'occasion de faire plus amplement connaissance avec lui ? Nullement. « Mais je crains d'avoir à faire d'étranges avances, si nous voulons arriver à cette connaissance plus ample. Ceci dépendra entièrement de la bonne volonté qu'il y mettra. Pour peu qu'il se montre rétroso, je fais replier immédiatement mes troupes. Mais si, comme j'en ai la conviction, il cherche à s'introduire chez nous, je réclame votre promesse de ne rien faire pour entraver son désir, et même de faire quelque chose de mieux. » Vous pouvez avoir raison, Mary. Agnès n'est pas de basse extraction, loin de là. Son père était très décidément gentilhomme, et j'ai entendu dire à mon frère que les Compton, quoique tombés dans la pauvreté depuis des siècles, tiennent leur petit domaine d'ancêtres remontant à une réelle antiquité. Il n'y aurait donc aucune objection sur ce point délicat. Quant à elle, la jolie créature, il est bien certain qu'elle peut être placée à la tête de n'importe quelle société aristocratique. On peut être sûr qu'elle en sera toujours la grâce et l'ornement. Donc, en ce qui concerne ma conscience, je n'ai aucun scrupule, et quant aux convenances, je vous promets de me prêter à toutes les avances que le jeune homme nous fera. Ceci vous contente-t-il, ma chère petite conspiratrice ? Oui, à peu près. Car je ne perds pas l'espoir de vous voir y mettre plus de chaleur si les choses prennent de la consistance. Ah, à propos, maman, quand donnerons-nous notre petite soirée de musique ? On dit que le jeune de Lacey ne doit pas rester ici bien longtemps, et s'il part, comment ferons-nous pour la basse ? Nous serons fort embarrassés, c'est certain. Vous pouvez faire tout de suite les cartes d'invitation, Mary, si vous voulez. Mary se leva immédiatement pour se mettre à la besogne. Mais, après avoir ouvert un tiroir de la commode et avoir examiné son contenu, elle dit « Il faut envoyer au salon de lecture, maman. Nous n'avons pas la moitié assez de cartes. D'ailleurs, il faut que vous veniez vous promener avec nous, et il faut aussi qu'Agnès soit de notre société. Puis-je lui envoyer un mot pour lui dire que nous désirons qu'elle vienne faire son goûter ici ?»« Je comprends votre tactique, ma chère. Agnès viendra se promener avec nous juste aux environs de 3 heures, heure à laquelle tout le monde est dehors et partout. Nous manquons de cartes d'invitation, donc nous pouvons, puisque nous sortons, aller au salon de lecture en chercher nous-mêmes. Là, nous sommes certains de rencontrer M. Stephenson. Il est fort probable qu'il se joindra à nous, etc., etc. N'est-ce pas là votre plan ?»« Et si cela était maman ?» répliqua Mary en riant. « Y aurait-il là rien qui outrepassât nos conventions ?»« Fort bien, Mademoiselle Talleyrand. Écrivez votre billet. » Celui-ci fut promptement fait, promptement envoyé, et atteignit Agnès environ 2 minutes après que le major Allen était parti. Elle savait qu'il était là, car Betty Jacks avait obligeamment ouvert la porte de son cabinet pour l'en informer, et maintenant elle était tout debout, tenant le cher petit billet dans sa main, méditant sur la meilleure façon de faire parvenir la pétition à sa tante, ne se souciant guère d'envoyer le billet lui-même, n'ayant aucunement confiance en Betty Jacks pour faire une commission de cette nature sans quelque gaucherie, et redoutant par-dessus toute chose l'idée de se présenter elle-même devant le major. « Le major Allen est encore là, n'est-ce pas, Jerningham ? Je n'ai pas revu ma tante. »« Non, mademoiselle, il vient de partir. »« Ah, c'est un fameux bel homme, allez !» Agnès n'hésita pas plus longtemps, et le billet de Mary à la main, elle entra dans le salon pour demander s'il pouvait accepter la proposition qu'il contenait. Elle trouva Mrs. Barnaby fort agitée, mais d'une délicieuse manière. L'album était ouvert devant elle, ses 2 coudes reposaient sur la table, et de ses mains, elle ombrageait ses yeux qui étaient fixés, dans un accès de profonde rêverie, sur le nom si intéressant d'Isabella d'Almafonte. Agnès prononça sa requête, mais elle fut obligée de la répéter 2 fois avant que les facultés de la veuve fussent suffisamment rappelées aux choses présentes pour lui permettre de donner une réponse qui eut le sens commun. Et quand enfin, cependant, elle comprit ce qu'on lui demandait, elle accorda la permission avec autant de plaisir qu'Agnès en avait à la recevoir. Comment, en ce moment, aurait-elle pu supporter autre chose que la solitude ou la société du major Allen ? « Oh oui, ma chère, allez, allez, je n'ai nullement besoin de vous. » L'oiseau auquel on rend la liberté n'est pas plus prompt à voler vers l'abri du bois désiré que ne le fut Agnès à parcourir le chemin qui séparait Sion Row de Rodney Place. Et sa joie fut si vive, quand elle y fut arrivée, qu'elle oublia pour le moment tous ses tourments et se mit à parler du bal, comme si elle n'y avait pas eu bien plus de chagrin que de plaisir. Aussitôt que le goûter fut terminé, Mrs. Peters, Elizabeth, Mary et Agnès partirent pour leur promenade, pas cette fois pour aller sur les collines et au loin, mais pour suivre tout du long les voies bien pavées qui conduisaient aux endroits réputés pour être les rendez-vous des promeneurs. Lucy et James, ayant entendu dire qu'une seule quinzaine les séparait de la soirée de musique, avait déclaré qu'il leur était absolument nécessaire de consacrer cet intervalle à l'étude et que par conséquent ils resteraient à la maison. Si le plan de Mary Peters avait été celui que sa mère avait décrit, rien ne pouvait être mieux réussi, car, même avant d'avoir atteint le salon de lecture, on avait rencontré M. Stephenson et le colonel Hubbard. Aussitôt que le premier avait aperçu ces dames, il s'était avancé, quittant le bras de son ami, qui certainement retardait plutôt qu'il n'accélérait son pas, et après avoir présenté ses compliments à Mrs. Peters et à Elizabeth avec toute la cordialité d'une ancienne connaissance, il les avait dépassés et était venu se fixer auprès d'Agnès. Son amie elle-même reçut le salut empressé du jeune homme avec un sourire. Pour Mary, nous le savons, ce n'était pas sans motif, et pour Agnès, elle n'avait point oublié avec quel à-propos le jeune gentleman l'avait enlevé la veille au soir à sa tante, au major Allen et à la table du thé, au moment où ses amis venaient de la déserter. Toutefois, son brillant sourire s'évanouit bientôt quand elle eut remarqué de quel salut gourmet le colonel Hubbard répondait à la manière polie dont Mrs. Peters renouait connaissance avec lui. Lui aussi, il dépassa le premier groupe des 2 dames pour venir se joindre au second, mais quoiqu'il eût salué les 2 jeunes filles, il sembla à Agnès qu'il se détournait et reprenait le bras de Stephenson dans l'unique but de lui dire « Allez-vous donc renoncer à votre promenade aux sources, Frédéric ?»« Oui, bien positivement, mon cher, » fut la réponse du jeune cavalier. « Alors je vais me voir forcé de vous souhaiter le bonjour, » dit le colonel, essayant de retirer son bras. « N'en faites rien, » s'écria l'aimable et gai jeune homme, retenant le bras de son ami presque avec violence. « Je ne veux pas que vous y alliez sans moi. Vous ne trouverez rien là qui récompense votre ténacité, je vous en réponds. » le colonel Hubbard, cédant lui aussi, même assez passivement, à la volonté du jeune Stephenson, accompagna la société jusqu'au salon de lecture. Rien ne pouvait être plus agréable que la conversation animée du jeune gentleman. Il parlait tour à tour à chacune des dames, s'arrangeant de façon à découvrir une multitude de choses d'une espèce si intéressante qu'il semblait impossible de ne pas les examiner. Et finalement, ayant été chercher le registre où l'on inscrit les noms, il amusa Mrs. Peters et ses filles en se livrant quelque peu à d'assez jolis cancans sur plusieurs de ces noms. Ce fut pendant qu'ils étaient tous absorbés dans une occupation à laquelle Agnès ne pouvait naturellement prendre qu'une part, que le colonel Hubbard, s'approchant, lui dit « Devez-vous rester longtemps à Clifton, mademoiselle Willoughby ?» Agnès rougit profondément en le voyant venir à elle et répondit à cette simple question d'une voix si tremblante qu'il eut pitié de son agitation. Pensant que leur rencontre du matin en était la cause, et savoir peut-être qu'après tout ce n'était pas elle qui était coupable, si son entêté d'ami voulait absolument tomber amoureux d'elle, il reprit d'un ton plus doux « J'espère que vous m'avez pardonné le conseil un peu rude que j'ai osé vous donner ce matin. »« Pardonner ?» répéta Agnès, levant les yeux sur lui. Et avant qu'ils ne se fussent abaissés de nouveau, une larme les avait obscurcis. « Je ne pourrai jamais oublier votre bonté. » Mais ceci fut dit si bas qu'il comprit aussitôt que ses amis n'avaient pas été mis au courant de l'aventure et qu'elles ne se souciaient pas qu'elles le fussent. Il ne dit donc rien à ce sujet. Mais poussé par un mouvement qui était loin d'être soit du mauvais vouloir, soit du mépris, il continua à causer avec elle pendant plusieurs minutes, assez longtemps vraiment, pour qu'elle arrive à oublier presque la société de ses amis dont on voyait les têtes groupées autour du registre du beau monde de Clifton. Frederick Stephenson, pendant ce temps-là, poursuivait son but d'une manière fort habile, c'est-à-dire qu'il se posait bien décidément en ami de la famille Peters. Les manières de Mrs. Peters et celles de ses filles étaient d'une distinction si parfaite qu'il avait bien vite oublié l'existence d'une créature comme Mrs. Barnaby, et son cœur se réjouissait à la pensée que l'unique jeune fille qu'il eût jamais véritablement aimée était entourée de relations assez élégantes et assez agréables pour que son exigeante famille ne pût rien demander de mieux. Pour dire la vérité, son ami ne pouvait guère lui reprocher cet oubli de la terrible tante, car il s'en était lui-même rendu coupable à un certain degré. Il n'était pas fort aisé, en vérité, de se souvenir de Mrs. Barnaby, tandis qu'Agnès, tout animée par la question qu'il lui adressait sur la partie de l'Angleterre où elle avait joui de la liberté campagnarde dont il lui avait entendu parler, se répandait en ardentes louanges sur la tranquille beauté d'Hampton. « Ce n'est pas, disait-elle, charmée par l'attention qu'il lui prêtait et oubliant l'effroi qu'il lui avait inspiré jusqu'alors, ce n'est pas une beauté aussi majestueuse que celle de Clifton. Nous n'avons pas ces rochers si puissants, cette rivière ondulée, qui, tout en coulant tranquillement, semble avoir creusé elle-même son chemin au milieu d'eux. Mais le presbytère est la perfection même, comme retraite paisible et fleurie, où ne saurait pénétrer ni le chagrin ni le péché. Est-ce donc au presbytère de Hampton que vous habitiez, Miss Willoughby ? Oui. Je l'habitais pendant 5 chères années, répondit Agnès, avec un accent dont toute la gaieté avait disparu. « Vous n'êtes pas né à Hampton, alors ?»« Non, j'étais seulement pour mon éducation. Mais c'est là, du moins, que mon cœur et mon esprit sont nés, et je ne crois pas que je puisse jamais me sentir chez moi autre part que là. » « Il est peut-être un peu tôt encore pour dire une chose semblable, » dit le colonel Hubbard, avec un sourire, qui était mieux fait pour augmenter la confiance de la jeune fille que pour renouveler son effroi. « Puis-je vous demander quel âge vous avez ?» « J'aurai 17 ans, au mois d'août, » répliqua Agnès, rougissant d'être obligée d'avouer qu'elle était si jeune. « Elle pourrait être ma fille, » pensa le colonel, tandis qu'une nuance de tristesse passait sur sa physionomie, ce qu'Agnès eut grand-peine à s'expliquer. Mais il ne lui adressa plus de questions, et la conversation s'en allait languissant quand Frédéric, satisfait de l'impression qu'il avait faite sur la famille Peters, et commençant à trouver que son tour était venu de causer avec Agnès, quitta la table, le registre, et traversant la salle, se dirigea vers l'endroit où Agnès était assise. Le colonel Hubbard était encore debout à côté d'elle. En voyant son ami, il se retira immédiatement, et en ce moment, s'il avait exprimé tout haut les pensées qui remplissaient son cœur, on aurait pu l'entendre dire « Il n'y a rien là qui puisse justifier un refus de la part d'une famille quelle qu'elle puisse être. C'est une perfection en esprit aussi bien qu'en beauté. que les choses suivent leur cours. Je ne presserai pas davantage le départ de Frédéric. » Ses pensées venaient à peine de traverser rapidement son cerveau quand ses oreilles furent assaillies par l'éclat d'un rire qu'il reconnut aussitôt pour celui de Mrs. Barnaby. Une grosse bouffée de couleur monta jusqu'à ses yeux et il se sentit frappé en pleine conscience, comme s'il se croyait responsable de l'avenir de Stephenson, parce que mentalement, il avait consenti un instant à lui permettre de demeurer au milieu du danger. C'est ainsi que la pensée qu'il avait eue de céder vint à s'évanouir, rien qu'à voir, rien qu'à entendre Mrs. Barnaby. Elle entra, plus peinte, plus papillotée, plus attifée, plus bruyante que jamais. Elle entra, accompagnée du major Allen. Jamais le nuage qui, tout chargé d'électricité, s'annonce par des éclairs, ne jeta une ombre plus anéantissante sur le paisible éclat d'un riant paysage que ne le fit cette entrée du couple facétieux sur l'heureuse gaieté de la compagnie qui occupait la salle. Mrs. Peters devint très rouge. Mademoiselle Willoughby très pâle. Mary s'arrêta court au beau milieu d'une phrase et resta aussi muette que s'il avait été frappé d'un coup de feu. La bonne Elisabeth elle-même parut affectée et les deux jeunes gens, bien que d'une manière différente, laissèrent voir également le profond changement qui s'était fait en eux. M. Stephenson remit son chapeau qu'il avait posé sur la table à côté de lui, et tout en se rapprochant d'Agnès encore davantage, ne lui adressa plus la parole. Le colonel Hubbard traversa immédiatement la pièce et sortit. Ceci était la seule chose qui put apporter un peu de soulagement à Agnès et lui rendre en même temps son sang-froid avec sa présence d'esprit, sans ramener pourtant sur son visage le sourire de bonheur avec lequel elle causait 5 minutes auparavant. « Ah, par exemple, ma sœur Peters et ses enfants qui sont ici !» s'écria Mrs. Barnaby en se précipitant toute joyeuse vers ces dames. « J'avais bien l'idée que nous nous rencontrerions. Quel beau temps, hein ?»« Bonjour, monsieur, à M. Stephenson. Comment vous portez-vous ce matin ? Vous faisiez partie, je crois, des danseurs de nos jeunes filles hier au soir. Un charmant bal, n'est-il pas vrai ?»« Major, cher Major, regardez donc ces pierres de Bristol. Ne dirait-on pas des diamants ?»« Eh bien, Agnès, vous avez goûté avec ces chères filles, je suppose, et vous voilà prête à venir faire un tour dans les boutiques avec moi. Nous allons à Bristol, je vous emmène. » Agnès entendit sa condamnation en silence, sans concevoir l'idée d'en appeler, pas plus que le misérable criminel qui, de son banc, écoute sa sentence. Mais M. Stephenson tourna vers Mrs. Peters des yeux si remplis de supplications, qui s'exprimaient avec tant d'éloquence ce qu'il voulait dire, qu'elle se hasarda à faire une tentative. « Nous avions espéré, Mrs. Barnaby, que vous nous auriez laissé Agnès pour le reste de la journée. Nous vous en serions très reconnaissantes. » Vous vous êtes toujours bien aimable, ma chère Marguerite, répondit la veuve, mais j'ai absolument besoin d'Agnès pour le moment. Elle ira chez vous une autre fois. Adieu, adieu. Nous n'avons pas de temps à perdre. Allons, Agnès, partons. Ce fut seulement par un regard silencieux échangé avec ses amis qu'Agnès prit congé d'elle. Mrs. Barnaby prit son bras sous le sien, et quand ils eurent quitté le salon de lecture, elle accorda l'autre au major Allen. Elle était très excitée. Aussi se mit-elle à rire bruyamment, aussitôt qu'ils eurent tourné le coin de la rue. « Quel garçon roide que ce grand colonel, Major Allen, » dit-elle. « Savez-vous quelque chose de lui ? Si je ne me trompe, il est aussi orgueilleux que Lucifer. »« S'il est orgueilleux, ma chère madame, ce ne peut être que d'un orgueil de la plus vile espèce, dérivant uniquement des mesquines considérations de famille et de fortune. Car entre nous, il est bien loin d'avoir été un officier distingué. » Le duc de Wellington, tenez, s'est toujours montré pour lui d'une partialité des plus ridicules. Mais vous, baissant la voix, vous pourrez juger de ce que vaut l'opinion du duc. Oui, oui, major, on ne me trompera plus jamais là-dessus. Mais, Agnès, comme vous, vous faites traîner, mon enfant. Je serai mortellement fatigué avant d'être arrivé à Bristol si vous marchez ainsi. Mademoiselle veut-elle prendre mon autre bras ? Dit le major. Ah, bien volontiers, cher major, que vous êtes bon. Agnès, faites le tour et allez prendre le bras du major. « Non, merci, ma tante. Je n'ai besoin d'aucun bras. Je marcherai auprès de vous, si vous le permettez. »« Quelle folie, enfant ! Major, n'est-ce pas que cela paraîtra bien singulier ?» dit la veuve en se tournant vers le major. Sur ce mouvement, sans attendre plus de parlementage, celui-ci, laissant tomber le bras qu'il tenait, vint gaiement se placer entre les deux femmes, disant « Maintenant, belle dame, j'ai un bras pour chacune de vous. » Agnès éprouva la plus grande envie de s'enfuir, mais... surexcité par l'idée qu'il allait falloir subir une fois encore le contact détesté de la main du major. Cette main s'était vigoureusement étendue vers elle au mouvement qu'elle avait fait pour se retirer. Aurait-elle mis à exécution son projet de fuite? C'est ce qu'il est impossible de dire, car en cet instant, le son d'une paire de bottes qui avançait rapidement derrière eux se fit entendre sur le pavé, et une minute après, M. Stephenson était à côté d'Agnès. Il toucha son chapeau en guise de salut pour Mrs. Barnaby et s'adressant à la jeune fille. « Si vous allez à Bristol à pied, dit-il, j'espère que vous voudrez bien me permettre de vous accompagner, car j'y vais aussi. » Agnès répondit « Merci, très franchement, et sans un instant d'hésitation, elle accepta le bras qu'il lui offrait. « Vous êtes vraiment bien obligeant, M. Stephenson, dit Mrs. Barnaby. Il est certain que nous marcherons plus convenablement ainsi. Je crois qu'il vaut mieux que vous passiez devant. De cette façon, nous pourrons veiller à ce que vous ne vous sauviez pas. » Et tandis qu'ils s'étaient arrêtés pour laisser passer devant eux M. Stephenson et Agnès au supplice, cette spirituelle saillie provoquait de la part de la veuve et de celle du major un petit ricanement fort gai. Le jeune homme semblait avoir perdu toute sa vivacité. Il parlait peu, et ce peu lui-même avait plutôt l'air d'être dit pour ne pas rester sans rien dire. La pauvre Agnès n'était certes guère disposée à faire la conversation, et elle se serait réjouie de son silence s'il n'avait cru y voir la preuve qu'en venant à son aide, il ne trouvait aucun plaisir. Toutefois, avant qu'ils eussent parcouru un mille, il survint un accident qui le fit sortir de l'affaissement dans lequel avait paru tomber son entrain. Ils rencontrèrent sur la grande route un troupeau de bœufs. L'un de ces animaux, surmené, irrité par un chien de garde qui le harcelait, s'élança tout d'un coup de la route sur le sentier qui la côtoyait, et les cornes au niveau du sol, la queue en l'air, marcha droit sur nos jeunes gens. Stephenson, voyant le danger, saisit Agnès dans ses bras et sauta avec elle du sentier sur la route. L'animal, dont le but était plutôt de fuir l'ennemi qui était derrière lui que de chercher noise à un autre, passa outre, laissant Agnès fort tremblante à la vérité, quelque peu confuse, mais sans aucun mal, et remplie de reconnaissance pour la prompte intervention à laquelle elle devait probablement son salut. L'animal arriva donc de cette façon sur le major et sur sa belle compagne, qui était en arrière, à une distance considérable. À peine remise elle-même, Agnès était retournée pour s'assurer que, tandis que M. Stephenson s'occupait d'elle si efficacement, sa tante aussi s'était bien tirée de ce mauvais pas, et il se trouva que les jeunes gens eurent sous les yeux un spectacle qui les eut forcément rendus à la gaieté, quand même cette dernière eût été à tout jamais bannie de leurs esprits. Le major Allen, n'approuvant en aucune façon la manière dont l'animal paraissait disposé à les charger, avait tout de suite compris, de même que M. Stephenson, que le seul moyen d'éviter la bête était de sauter sur la chaussée. Mais en cet endroit, le talus qui séparait le sentier de la route était infiniment plus élevé qu'à une ou deux centaines de mètres plus loin. Pourtant, sans être ni léger ni alerte, le major à lui seul eût assez bien accompli cette descente. Mais que faire avec Mrs. Barnaby? Cette dame avait poussé un cri perçant, s'était jetée sur le sein de son cavalier en criant « Sauvez-moi, major, sauvez-moi !» En face de cette alternative, le major prouva qu'il avait été soldat. Se débarrasser de la dame, soit en la faisant rouler au bas du talus, soit autrement, était chose impossible. Mais il n'était pas nécessaire non plus qu'elle l'étouffât. La prenant donc vigoureusement entre ses bras, la portant à demi, la poussant vers le petit précipice, tout en ayant soin de se placer adroitement de façon qu'elle fût en dessous de lui, s'il venait à rouler en bas, d'une voix de stentor il s'écria « Sautez !» Et ils sautèrent, mais de telle sorte que la dame mesura la poussière de toute sa longueur, circonstance qui atténua singulièrement la chute du major, car malgré les efforts qu'il avait faits pour tomber plus loin que sa belle compagne, finalement il s'était abattu les genoux en plein sur elle, ce qui, très positivement, avait adouci sa descente. Quand les jeunes gens les atteignirent, ils avaient repris leur équilibre, mais non pas leur sang-froid. Le major, un genou dans la poussière, supportait de l'autre Mrs. Barnaby, qui, la tête couchée sur l'épaule de son sauveur, semblait avoir une forte envie de se permettre un petit évanouissement. Sa belle toilette, d'une nuance si claire, était couverte de poussière de la façon la plus lamentable. Ses plumes, toutes brisées, pendaient misérablement sur ses yeux, et toute sa personne, ainsi que celle du héros qui la soutenait, avait un air aussi éperdu, aussi abattu que possible. « Seriez-vous blessée, ma tante ? » dit Agnès en s'approchant. « Blessée ? Si je suis blessé, grand Dieu du ciel, quelle question! Si je suis encore en vie, je puis bien dire que c'est par miracle, ou bien à peu de choses près. Oh, Major Allen, continua-t-elle en éclatant en larmes, où serais-je actuellement sans vous? Écrasé sous les pieds de la bête ou lancé en l'air, Mrs. Barnaby. Écrasé ou lancé en l'air, il n'y a pas de milieu, jusqu'à ce que mort s'en suive encore, répondit le major, qui ne voulait pas diminuer la reconnaissance de la veuve, et qui cependant, gêné par la présence de témoins, ne voulait pas non plus exprimer ses sentiments avec toute l'ardeur qu'il y aurait mise sans cela. « Ce n'est que trop vrai, que trop vrai » répliqua-t-elle. « Je ne pourrai jamais exprimer ce que j'éprouve pour vous, major. »« Ne pouvez-vous vous tenir debout, ma tante ?» dit Agnès, dont les joues étaient devenues cramoisies, devant l'absurdité de cette scène. « Comment reviendrez-vous chez vous si vous ne pouvez pas vous tenir ?»« Dieu le sait, mon enfant. » Dieu seul peut savoir ce qui va advenir de moi. Oh, major, je me fie entièrement à vous. » La pauvre Agnès fit entendre un son qui ressemblait beaucoup à un gémissement. Alors Stephenson, sur qui ce gémissement avait agi comme un coup d'éperon, s'ingéniant pour la sauver d'une affaire si douloureusement ridicule, proposa d'escorter Miss Willoughby avec toute la hâte possible jusqu'à Clifton, afin d'envoyer de la ville une voiture qui ramènerait Mrs. Barnaby chez elle. Le major, qui ne désirait rien plus ardemment que de se débarrasser du jeune homme, approuva la proposition avec véhémence. « Vous avez parfaitement raison, monsieur. C'est la seule chose à faire, » dit-il. « Et si vous voulez vous hâter de l'accomplir, je vais tâcher de placer Mrs. Barnaby de manière qu'elle n'éprouve pas un trop grand malaise en attendant que la voiture arrive. »« Ne dois-je pas rester avec ma tante ?» dit Agnès à M. Stephenson, mais si bas que lui seul put l'entendre. « Dans mon opinion, certainement non. » répondit-il sur le même ton. « Croyez-moi, j'ai plusieurs raisons pour parler ainsi. » Seul l'ardent désir de se conduire en ces circonstances, et n'importe à quel prix, de la manière la moins inconvenante, car elle sentait bien que c'était là tout ce qui était laissé à son libre arbitre, pouvait pousser Agnès à s'infliger à elle-même une si dure pénitence. Et, bien que le choix du conseiller que les circonstances lui imposaient fût fort étrange, la manière grave et sérieuse dont celui-ci lui répondit l'assura qu'il ne l'avait pas fait à la légère. Par conséquent, sa tante n'ayant pas dit un mot pour la retenir, elle partit pour retourner à Clifton avec toute la rapidité dont elle était capable, disant en partant « Comptez sur moi, ma tante, on ne perdra pas un instant. » Cette fois encore, M. Stephenson lui offrit son bras, mais elle le refusa, et pendant un certain laps de temps, le jeune homme marcha silencieusement auprès d'elle, rempli du désir de lui parler, et pourtant, ne se sentant pas honnêtement en mesure de le faire avec tout le calme qu'il y voulait apporter. À la fin, cependant, le silence devenait embarrassant. Il le rompit en disant, avec quelque peu de rudesse, « Me pardonnerez-vous, mademoiselle Willoughby, si je m'hasarde, oubliant pour un moment combien il y a peu de temps que j'ai eu le bonheur de faire votre connaissance, me pardonnerez-vous si je vous parle en ami ? Vraiment, je le crois bien, et je vous en serai même très reconnaissante. » répondit Agnès avec calme, car ses manières lui avaient appris qu'elle pouvait ne rien craindre de sa part. « Vous êtes bien bonne, » reprit-il avec un peu d'embarras, « mais je sens que je prends là une liberté qui n'est presque pas justifiable, et si ce n'était que cette promenade m'offre une occasion que je ne crois pas devoir perdre, j'aurais peut-être essayé de communiquer à Mrs. Peters ce que je voudrais vous dire. Je veux parler du major Allen, Miss Willoughby. Je voudrais que vous puissiez amener votre tante à comprendre que ce n'est pas une personne à recevoir dans votre société. Quoiqu'il soit probablement étranger à cet endroit, il est connu partout pour un joueur nécessiteux et enfin, il a la réputation d'un homme sans aucun principe. « Grand Dieu !» s'écria Agnès, « que faut-il que je fasse ? Ne pouvez-vous essayer de faire allusion à cela auprès de votre tante ? Elle se mettra probablement fort en colère ?» répondit Agnès avec une franchise toute spontanée. Mais ce qui est pire encore, elle insistera, je le sais, pour que je lui relève par qui je l'ai entendu dire. « Dites que c'est moi qui vous l'ai dit, Miss Willoughby, » répliqua le jeune homme. Quoiqu'encore bien novice dans le monde, Agnès sentit qu'il y avait là dans ce procédé quelque chose de très honorable et de très franc, ce qui en retour produisit chez elle un degré de confiance tel qu'elle répondit sur le ton de l'amitié la plus cordiale. « Monsieur Stephenson, voulez-vous me donner la permission de répéter cela à Mrs. Peters et à Mary ? Elles sauront bien mieux que moi quel usage on peut en faire. Je crois vraiment que vous avez raison, répliqua-t-il vivement. De cette façon, la colère dont vous parlez ne tombera pas sur vous. De cette manière, elle ne tombera sur personne, je crois, fit Agnès. Ma tante a heureusement une très grande considération pour Mrs. Peters, et si quelqu'un peut avoir de l'influence sur son esprit, c'est Mrs. Peters. Pourra-t-on s'étonner, après ce petit épisode, que la conversation continua sur un ton aisé, avec une confiance qui allait toujours croissant. En la commençant, le jeune homme avait pris la sincère résolution de ne pas permettre à son admiration de se changer en un attachement sérieux pour une personne si malheureusement apparentée. Mais avant d'avoir atteint sa Henrow, il était arrivé à être parfaitement convaincu que pour embellir sa vie à venir, pour partager son sort, il ne pourrait jamais rencontrer un esprit aussi pur, un jugement aussi droit. Et s'il n'en dit rien à Agnès, ce fut uniquement en raison d'un sentiment de respect que la pairesse la plus orgueilleuse du royaume n'aurait peut-être pas inspiré. « Non, pensa-t-il, ce n'est pas à présent, ce n'est pas lorsqu'un accident a la force à marcher à côté de moi, que je lui ouvrirai mon cœur et lui dirai tout mon amour, le moment viendra. » Avant qu'ils se séparassent de nouveau, Agnès en appela au jugement de son cavalier pour savoir si elle devait aller chercher sa tante dans la voiture. « Non, vraiment, » répliqua celui-ci, « n'a-t-elle pas une femme de chambre ?»« Oh oui !» s'écria Agnès, fortement soulagée. « Je vais envoyer John Ingham. » « Charmante créature !» pensa l'amoureux Frédéric. « Quelle tâche délicieuse que celle de conseiller, de guider, d'entourer de soins une femme comme celle-là » Son salut respectueux en prenant congé de la jeune fille, le regard ardent, silencieux, plein d'amoureuse langueur, dont il enveloppa sa belle tête au moment de quitter la porte qui venait de s'ouvrir pour la recevoir. On aurait dit bien long un cœur disposé à rencontrer le sien, mais Agnès ne s'en aperçut même pas. Elle avait tourné ses regards vers le moulin, sa pensée était tout entière à sa promenade du matin et à la façon dont elle s'était terminée.